Chapitre 33 La petite roque. C'est comme la préparatoire de celle d'en face, la grande, d'où l'on sort un fichu matin, le col échancré, poussé dans le dos, basculé, tiré par les esgourdes et finalement raccourci. Maison de correction, paraît-il. Poussons la lourde, entrons et allumons nos quinquets. Le grand Charles est débarqué, écroué, on l'a remisé dans une cellule pas claire, ayant accès sur un couloir où les gaffes se baladent toujours à Renault et à Cran, y a de quoi. Dans les prisons, on les traite kiff les kleps, comme des chiens. Ils sont deux jours tout le temps et souvent de sorgue. En moyenne, 15 ou 16 plombes à tomber. Tout ça pour 4 francs ou une pauvre thune sur laquelle on leur retient le costume et la retraite. Il est vrai qu'ils ont du pain bis à l'œil. Le matin, à l'aube, l'appel et l'exercice, comme des disciplinaires, et messieurs le directeur, le gardien-chef, briques, sous-briques, les crosses, faut voir. Pour un bouton d'uniforme, une bouffée de tabac, une minute de retard, clac, bouclez les gaffes. Et plus prisonnier que les autres, allez. Une fois punis, plus moyen non seulement de sortir, mais encore de voir leurs femmes et leurs enfants, les malheureux bougres. Ça dure 15 jours ou 1 mois. Avec la certitude qu'on les fait cornard chez eux en toute sécurité. Oh, ça ne rate jamais, c'est leur blotte. Les détenus paient les pots cassés, à eux le mitard, le cachot, la camisole de force, le baillon et les ficelles. On les livre à des bêtes brutes pour les ramener à la civilisation, adoucir leurs mœurs, corriger leurs mauvais instincts, etc. Le grand Charles, sombre et farouche, se laissa coffrer comme on voulut. Un contremaître, en correction comme lui, vint lui apporter son boulot, et s'était choisi des chaînes. Il avait à fournir sa masse, ou alors, les menaces s'appleuvaient, fallait pas crâner. Les marioles, on leur embouchait un coin à la petite. Même qu'on en avait trimballé au champ de navets, et des plus costauds que son orgue, à vie. Quand les surveillants cessaient de gatiller, le jeune détenu avait le droit de lire le règlement affiché sous son nez. C'était pire que le code militaire. Défendu de marcher, de lever le nez, de siffler, de chanter, de tout. Sans ça, le diable et son train, depuis le cachot jusqu'à la nouvelle. Et l'idée fixe du crime germait naturellement au milieu de ces horreurs pénitentiaires. Toujours la solitude, le tombeau, même à la messe, où l'on fourrait les gosses dans un grand amphithéâtre distribué en petites guérites. La récréation aussi était cellulaire, une fosse. Et, dans le tas, il y en avait des tout petits, si petits qu'on leur accordait des cerceaux pour s'amuser. Oh, dérision! En 3 tours, c'était fini de rouler et ils ne s'en servaient même plus. Ceux qui étaient très sages pouvaient jouer aux billes, tout seuls. Ils les perdaient dans le ruisseau dont la grille les séparait. Les parents visitaient ces garnements dans le fond d'un trou noir, séparés d'eux par des barres de fer et des doubles grillages. Chose étrange, la plupart ne se corrigeaient pas, et quoique élevés dans une cage, sitôt échappés, ils se révélaient tigres. Charlet, lui, faisait pour l'avenir une effroyable provision de haine. Bête humaine, ramassée sur soi et prête à bondir sur le dompteur, la vache! Il ne redevenait bon et doux que la nuit, en pensant au dab, entoilé comme lui. Son père, il l'adorait et il en pleurait. L'aumônier venait le tanner pendant des heures avec son bon Dieu. Vrai qu'il en avait son fat du grand Nib. Il eut la visite de Fifine, sa daronne, qui vint lui faire de la morale et lui donner des nouvelles. Chopin s'était fait foutre au mitard à la Santoche. Pas mèche de voir son niasse. Et puis la misère était dans la cambuse, en plein. Heureusement que M. Ragdal payait d'avance pour sa gosse. Sans ça, on n'aurait pas fait de grosse crotte. Avec ça que Bibi devenait introuvable et débauchait Thérèse. Elle irait le relancer chez la mère des lois Constant, où il se tassait, sûr et certain, sous les jupes de la môme Cécile. Une vraie honte. Mélie et Lolotte aussi étaient rosses. Reculot était malade, le pauvre cher petit. Et elle conclut « Tout ça, c'est de ta faute !» Un gaffe vint annoncer que les 5 minutes de conversation réglementaire étaient dépassées, sacré nom de Dieu. Et elle s'en fut, les bras ballants. Charles en fumait de son impuissance. car il avait du bon et de l'honnête à gauche. On le reboucla dans sa célotte, et la vie noire, lugubre, de la prison des enfants reprit son cours dans toute sa morne désespérance. Plus même de visite. Enfin arriva une lettre de Fifine. Le père était à présent à l'infirmerie de la Santoche. On l'avait retiré tout gelé du mitard. Quant à Ragdal, le soutien de la famille, on venait de l'arrêter aussi. Il était à Mazas, victime sûrement d'une erreur judiciaire. Ça, c'était la fin des fins. On ne s'en relèverait jamais.